Quel est le nom de celui dont le sacrifice, l'abnégation totale en fit le meilleur des fils? Celui qui consciencieusement répéta longtemps la scène, le rôle de sa vie, abjurant le blasphème. Nominé au César, décrochant un Molière, et tout ça finalement pour la gloire de son père. Et 2000 ans plus tard, ce Jésus fut si fort que pour ce pâle bâtard, des gens tueraient encore pour marquer la mémoire. Même à titre posthume, son salopard de père, auteur du scénario, ne négligea jamais l'impact d'un joli costume, ni d'accessoires utiles comme une lourde croix sur le dos. Et bien sûr, autour du front, la couronne d'épines, l'éponge trempée dans Dieu sait quelle bibine, et les clous enfoncés dans les pieds et les mains. C'est très inconfortable et ça vous tarabuste. Même si l'on est brave et si l'on est robuste, et si le paradis est au bout du chemin, bien sûr il devait défendre son prestige. Il était le fils de Dieu, l'enfant prodige. Steve.